Le 2 mai, le journal coréen Rodong Simun a inséré le commentaire titré « Le but des exercices qui dissolvent est aigle ». Il a écrit notamment « Les exercices militaires qui dissolvent est aigle 16, livrés par les États-Unis et les fantoches sud-coréens depuis le début mars, sont clôturés. Ces exercices de la plus grande envergure avec les effectifs de plus de 330 000 hommes et une pléthore équipement de guerre nucléaire des impérialistes américains avaient même abandonné les enseignes annuelles et défensives. En effet, ils ont constitué un simulacre de guerre nucléaire le plus ouvert. Il a pour but de tester pratiquement le plan définitivement achevé pour une guerre d'agression contre le Nord et il a fait partie de la nouvelle méthode américaine pour une guerre d'agression. Les qui dissolvent et aigle 16 ont montré clairement que la frénésie des États-Unis et des fantoches sud-coréens pour une guerre nucléaire contre le Nord dépasse les limites pour arriver à l'étape extrêmement insensée et dangereuse et que les ennemis ont fait tous les préparatifs et qu'ils guettent seulement l'occasion d'allumer la mèche d'une guerre. Il est prouvé que les impérialistes américains sont l'auteur de l'agression et de la guerre et que le but des récents exercices était de provoquer une guerre contre le Nord. Si les impérialistes américains et la bande des traîtres de Pakoné finissent par provoquer une guerre nucléaire contre le Nord, nous mobiliserons tous les moyens de frappe nucléaire de pointe pour réduire en cendres tous les foyers d'agression avec les provocateurs et profiterons de cette occasion pour libérer la Corée du Sud et enlever tout le foyer de guerre de notre planète.